Elle vieillit, saute à petits pas, de petits chiens en petits chats, les bigotes. Elle vieillisse d'autant plus vite qu'elle confonde l'amour et l'eau bénite comme toutes les bigotes. Ah, si j'étais diable en les voyant parfois, je crois que je me ferais châtrer. Si j'étais Dieu en les voyant prier, je crois que je perdrais la foi par les bigotes. Elle processionne à petits pas, de bénitier en bénitier, les bigotes. Et patati et patata, mes oreilles commencent à siffler, les bigotes. Vêtue de noir comme monsieur le curé, qui est trop bon avec les créatures, elles sont bigotes, les yeux baissés, comme si Dieu dormait sous leurs chaussures de bigotes. Le samedi soir à Presse-sur-Vin, on voit l'ouvrier parisien, mais pas de bigotes. Car c'est au fond de leur maison qu'elles se préservent des garçons, les bigotes. Qui préfèrent se ratatiner de vêpres en vêpres, de messe en messe, toutes fières d'avoir pu conserver le diamant qui dort entre leurs deux bigotes. Puis elles meurent à petits pas, à petit feu, en petit tas, les bigotes. Qui cimetièrent à petits pas, au petit jour, d'un petit froid de bigotes. Et dans le ciel qui n'existe pas, les anges font vite un paradis pour elles, une auréole et deux bouteilles, et elles s'envolent, lolé, lolé. À petits pas de bigotes.